Alors, on accueille Capucine. Capucine. Bonjour. Bonjour, Franck. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Jean, bonsoir. Bonsoir. Odile. Bonsoir. Bonsoir. Suzon. Bonsoir. Gérard, t'es dans les chiottes, là, ou quoi? Qui c'est qui parle? Ben, je sais pas, t'es une drôle de voix, Gérard. Ouais. Ça commence, ouais, dans une cage. Ça commence, là, filou. Cage à sec. Jamais avancé sinon. Ouais. Non, mais attends, est-ce que je veux, d'accord? Alors, première question, s'il te plaît. Je veux dire à Capucine qu'elle avait une belle voix. Non, ouais. Alors, oh! Non, c'est sucette. Alors, avez-vous déjà consulté? Oh! Curieuse, je suis là, s'il te plaît, quand je pose la question, j'aime pas avoir attends, de l'argent. Gérard, avant ta première question, on accueille Lutèce en plus. Je viens d'une chose. Bonsoir Lutèce. Bonsoir Lutèce. Salut Lutèce. Bonsoir. Oh, Lutèce, oh. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bon. J'ai cru que Lutèce était un homme. Salut. Alors, bon. Bonsoir, bonne année. Bonne année, hein. Allô Gérard. Allez, bon. Paris. Bon, Franck, Jean et Lucas, ça vous calme, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, première question. Alors, avez-vous déjà consulté un voyant sur les signes astrologiques qu'on va demander à Capucine? Sur les signes astrologiques, oui, ça m'est déjà arrivé. Mm-hmm. Et il m'a dit des choses, on m'a dit des choses vraies. D'accord. Mais de manière, sur le dernier. Oui. Là, c'est des éditions. sur la dernière question, tout le monde. Oh! 5 minutes, Jean, s'il te plaît, je parle un peu. Tu retournes chez toi et c'est bon. Bon, j'aimerais répondre. Répète la question, Gérard. Attendez, je réponds à Capucine. Comme j'ai dit, que la 10e question, je vais tous vous garder si c'est calme. Et ouais. Que vous ne faites pas trop de bordage au fur et à mesure. Partout. Hein. Avant de conclure, vous me donnerez votre signe et je vous dirai à peu près ce qu'il y a, ce que j'en pense d'après les astres et vous, voilà. Alors moi, c'est Scorpion. Oui, ben on verra ça tout à l'heure, Capucine. Donc, non, c'est celle qui parle. Oui, mais tout à l'heure, j'ai dit. D'accord. Donc, Gérard, moi, oui. C'est Capucine, là. Oui. Je te dis ce qu'on m'a dit. Moi, c'est Verseau. Capucine, t'es vierge. Oh. Non, attendez, s'il vous plaît, Capucine. Demain sera un jour agréable. Sentez, vous trouverez l'amour de votre vie. Bon, alors là, je te dis, tu vas trouver ta meuf. Arrêtez ou quoi? On peut commencer le débat, merde. Oui, bah, j'attends que tu me dises qui vient. Mais non, mais tu gères déjà, ça. Déjà, tu gères Tony, ça fait déjà 2 heures qu'il est là, tu le dégages, Tony, puis c'est 2h30. Bonjour, je t'ai compris. Donc, Franck. Ouais. Donc non, je n'ai jamais consulté un voyant et je n'en consulterai jamais un puisque... Avec tout ce qu'on voit dans les pubs, le magazine Utah, je considère que c'est des charlatans, des brigands, des gangsters, des voleurs, donc je m'abaisserai pas à ça, tu vois. D'accord, donc même, si tu prends un magazine ou autre, tu lis jamais ton signe astrologique, alors? Si, ça m'arrive, par curiosité, mais tu vois, par exemple, si tous les voyants voyaient pareil, dans tous les magazines, tu aurais le même horoscope. Ouais, c'est vrai, ça. Alors si tu prends, par exemple, X Magazine et Y Magazine, la même semaine, t'as 2 horoscopes différents. Ouais. Donc, il faut voir, quoi. Ah, moi, je suis d'accord avec lui. Jean. Tu peux répondre, c'est Suzette. Attends, Suzette. Jean. Donc, j'aimerais témoigner, moi, ma propre expérience. Tu vois, c'est Tony, je te l'avais dit que c'était Tony. Mais non, rien à voir. Non, mais Tony, tu gardes... Quand l'herbe vous dévore. Gérard, pourquoi vous m'aimez pas? C'est on t'adore, Tony. Non, mais Tony, tu voilà, maintenant, comme ça, on t'a reconnu, donc maintenant, tu as gardé ton vrai nom, maintenant. Ok. Merci, Pudard. Alors, réponds, enculé. Eh oh. Oh, tu sais qui vient de dire ça, là? Pourquoi ah, bon, ben, tu me reçois tout, sauf Thierry, parce qu'apparemment, ça vient pas de là. Tu me reçois tous les autres, là. Tous les autres. Bon, Gérard, c'est super. Lutèce, Tony et Franck, là, tu me les fais calmer, ils reviendront pas. Donc, Odile. Thierry, tu peux me laisser répondre? Thierry? Non, attendez, je vais reprendre. Donc, Capucine t'a répondu. Donc, Odile, maintenant. Moi, j'y crois pas, moi. Non, mais est-ce que t'as consulté un voyant sur les signes astrologiques? Bien sûr. T'as déjà consulté et on t'a jamais dit la vérité. Non, jamais. D'accord. Eh bien... T'as consulté sur quoi? Sur Minitel ou... Non, sur télévision. Voir une dame... Salut Médica. Françoise. À la télévision. C'est Françoise. Mais non. Bon, allez, moi... Manu. Manu, s'il te plaît. Il y a de la musique. Bah oui, je sais bien, bah attends, je cherche. Bon, Gérard, c'est Thierry, là, depuis tout à l'heure, j'attends, je peux pas répondre. Alors vas-y, Thierry. J'en ai marre. On t'écoute. Ah, je te remercie. Bah en fait... Alors attends, Thierry, avant de répondre, je voudrais qu'on arrête la musique. Gérard, qu'on arrête la musique. Ça arrivait pas quand j'étais à l'arrière, hein. Le mec. Ok, d'accord. Je vais vous dire, en fait, moi, je préfère pas aller voir un voyant ou une voyante, je préfère les marabouts. Pourquoi? ils sont beaucoup plus proches de la vérité. Ouais. Pourquoi? Bah parce que moi j'ai eu tout simplement l'expérience avec une voyante, je vais pas dire son nom parce que... Du coup c'est avec. Alors, non, non, mais attends, mais c'est Thierry qui... Attendez, on se calme là s'il vous plaît, donc... Oui, mais attends, 5 minutes, Susan, laisse parler Thierry, s'il te plaît. Merci, Gérard. Vas-y, Thierry, continue. Ok, donc moi, j'ai eu une expérience avec une voyante qui s'est mal passée, elle m'a dit n'importe quoi. Et c'est arrivé. Elle m'a dit que... Non, mais je peux pas vous raconter, c'est ma vie privée. T'es intelligent et t'es con et t'es pas beau, c'est ça? Ouais. Qui c'est qui parle comme ça? Lutèce. Ça va, Lutèce, tu te calmes, s'il te plaît. Ah, c'est pas moi, là, hein. Bon, alors, on vient de me donner un. On vient de me donner un sondage au standard. Il y a 39% des Français qui croient en l'astrologie et 98% qui n'y croient pas. Moi personnellement, je crois pas trop. Ah, Lutèce n'a pas répondu. Hein. Attends, Lutèce, tu permets que laissez répondre Gérard. Qu'est-ce que t'en penses de ce sondage? Moi, personnellement, je suis dans les ceux qui croient pas du tout à... Donc, c'est dans les autres, dans les 98%. Jerry, s'il te plaît, tu te calmes. Merci. Pour répondre, c'est Susson. Susson, tu te calmes. Pour l'instant, s'il te plaît, merci. Enfin. Hein? Donc, moi, je suis dans les 40%. Non, il y a 39%. J'y crois, ouais. Et il y en a 98. Moi, je suis dans les 98 parce que j'y crois pas du tout. Donc, Thierry, si tu veux finir. Ah, voilà. Donc, je voulais dire que moi, j'ai eu une très bonne expérience avec un marabout. Est-ce que c'était un marabout? Ficelle. Tu peux me gérer, celui qui a dit ça, là? Ouais, non, mais c'est bizarre, donc on peut... Non, mais on peut quand même rigoler un peu, quand même. Je te suis, tu as raison. Donc, je voulais juste dire que j'ai une très bonne expérience avec un marabout dans la mesure où ma petite amie, si ce n'est ma femme, s'est en allée avec un autre homme et grâce à mon marabout, on a pu lui jeter une malédiction qui a fait qu'il ne pouvait plus bander. D'accord. Enculé, c'est toi. Donc, elle est revenue vers toi. Et du coup, elle est revenue vers moi. D'accord. Tu vois, parce que je ne peux plus bander maintenant. Lutèce. Oui. Alors. Moi j'aime bien, je préfère aller voir les non-voyants, hein. Moi je préfère voir les aveugles. Non mais attends, je vois... Ça n'a pas le rapport. Tu réponds correctement à la question, sinon tu dégages. Il y a des non-voyants qui sont voyants. Bah, évidemment, moi, c'est-à-dire que je préfère aller voir un voyant qui est non-voyant. Moi ça prouve bien qu'il voit ce qu'il voit par rapport à un voyant qui ne voit pas. C'est pas con ce qu'il a dit. Hein, non mais attends, mais même, je vois pas le rapport avec la question. Et s'il est myope seulement? Ah non, pas de myope, moi je veux... Non-voyant seulement. Mais Lutèce... Merci, des myopes de quel âge? Bon, Susan. Mais Lutèce, alors moi, j'y crois... Et s'il y a un berger allemand de non-voyant? Oui, bon, Gérard, peut aller. Gérard, si tu me déranges, hein. Gérard. 100 minutes, vous laissez parler Susan maintenant. Merci, Gérard. Lutèce, avant. Ouais, bah attends, t'attends ton. Pilar, s'il te plaît, tu arrêtes en train de dire le message Minitel. Non, mais t'arrêtes avec ça, là. Un aveugle au lieu d'un non-voyant? Non plus, je préfère voir un non-voyant qu'un aveugle. D'accord. Alors Susan, moi j'y crois à Donf parce que j'ai connu un voyant qui s'appelait Gérard Couillos et donc il m'a dit des choses vraies quoi. Bon, je peux pas raconter, c'est intime, c'est sexuel. Comme quoi que tu... En plus, ouais, moi, que j'allais tomber d'un homme qui s'appelait Gérard Couillos. Manu, s'il te plaît, ne commence pas ton bordel, t'es un peu micro de... Attends, t'as le micro, t'es au téléphone. Eh oh. Pourquoi, tu m'as entendu? Bah ouais, s'il y en a qui prend le bordel, là, faut peut-être t'occuper aussi du standard. Bah t'as qu'à me dire. Excuse-moi Gérard, j'ai un message Minitel, pardon. Gérard n'a pas besoin de lui jeter un sort pour l'empêcher de bander, il suffit de regarder Sandy à poil. Non, bah, ça, je t'ai dit de pas. Il m'a dit, si tu le lis pas, je vais te choper à la sortie de phone. Et Gérard, si t'aimerais Sandy, je t'apprécierais, hein. Oui, bien sûr. Attends. Si t'aimerais Sandy ou si t'aimerais Incendie. Voilà. Ouais. Et c'est qui vient de dire ça? Un petit peu d'humour quand même, hein, Gérard. Qui vient de dire ça? C'est Tony. Alors, Lutèce, tu dégages. Non, c'est pas moi. Tu viens, Lutèce. Bonne nuit, bonne nuit. Salut, Lutèce. Bonne nuit. Tony, bonne nuit. Au revoir, Lutèce. Au revoir, Lutèce. C'est Tony. Bonjour, Gérard, ta deuxième question, s'il te plaît. Ben, tout le monde n'a pas répondu. Si. Odile. Elle a répondu. Ça y est, j'ai répondu, j'ai dit que j'étais contre. Ouais, mais, Françoise, pourquoi t'es contre, Françoise? Ouais, ça vaudra peut-être mieux de passer sur ton vrai nom, maintenant. Mais c'est pas Françoise, hein, ça va pas. C'est pas Françoise. Si. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. C'est comme si je disais que Lutèce, c'était Max. Non, c'est pas ça. Oh, s'il te plaît, là. Pardon. Ou comme tu commences à chier, Pildara. Je comprends bien bête, Françoise, moi. Ouais, ouais, Thierry, c'est Tony, quoi. Comme si je disais que Ultraman et François. Rien à voir. Bon, allez, oh. Je disais que Gérard, c'était un con, quoi. Bon, bah alors tu dégages. Allez, hop, tu me. Salut, Tony. Salut, Tony. Salut, Françoise. Voilà. Ça va aller vite ce soir, hein. Au tribunal. Gérard, excuse-moi, on accueille un astrologue réputé. Ah non, non, non, je veux pas des astrologues. Mais si, c'est important, mais si, c'est important pour le débat. Attends, dans un débat sur l'astrologie. C'est important. Il s'appelle pour l'Arsen. Il s'appelle Nostra Anus. Nostra Anus. On t'écoute. Hé, merde. Bonsoir, est-ce que tu peux prédire l'avenir pour Gérard? Oh, bah, c'est. Tu commences à me faire chier là, hein? Toi, tu as dégagé aussi tout à l'heure, hein, de l'aria. Ça va aller vite, hein? Gérard! Oui! Attends, je vais remplacer Gérard, vas-y. Attends, qui c'est qui veut me remplacer là? Est-ce que tu peux. Parce que notre analyste peut prédire donc ton avenir. J'attends qu'il réponde. Mon marabout m'a dit qu'on ne pouvait prédire l'avenir de quelqu'un d'autre. On l'appelle. Moi, je peux le faire, oui. Oui. Gérard est d'accord. Bah, je t'écoute. Oui, Gérard est d'accord. Non, mais parler d'astrologue. Ce qui est dommage, j'arrive, j'ai même pas bonsoir. Oh, pardon. Bonsoir, notre ami. Bonsoir, Anus. Je vais demander à Gérard s'il est possible de me donner trois chiffres. Alors, le 56, le 23 et le 13. Non, bon. Tu me dégages, Franck. C'est pas moi. Non. Je veux pas savoir, tu dégages, Franck. Alors, ça y est, il est parti, Gérard. Pas Franck. Je vais répéter les chiffres, Gérard. 4, 2, 1. Gérard, allez-y, donnez-moi trois chiffres. Le 6. Oui. Le 9. Oui. Hélas. Le 1. Mmh. Très bien. Je vais vous demander, est-ce que vous voulez me poser une question? Il faut que quand vous posez la question, vous réfléchissez bien fort. Ben, je voudrais savoir l'avenir avec la personne avec qui je suis à l'heure actuelle. D'accord. Votre ami, je crois qu'il est à côté de vous. Mmh. Sandy. Voilà. Sandy. Ah, il est à côté de toi, Sandy, Gérard. C'est qui parle comme ça? C'est la vache qui rit. Alors, je vais tâcher d'y répondre. Alors, bon, le 6 est un très bon signe d'abord. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi ces chiffres-là au hasard ou ce sont des chiffres qui évoquent quelque chose pour vous. Non, c'est des chiffres comme ça au hasard. D'accord. Alors déjà, le 1 est un très bon signe parce que c'est le chiffre du gagnant. Parce que le 1, généralement, c'est gagnant. Hein. Mm-hmm. Là, c'est l'une des meilleures, à part le Joker qui est la meilleure. Donc déjà, on peut dire que dans la vie, vous êtes bien partant. Par contre, vous me dites si je me trompe, parce que je ne vous connais pas bien, vous avez choisi le 9. Mm-hmm. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que vous ayez une tête d'œuf? Non. Non, le 9. Un petit peu quand même. Et dans le 6, en fin de compte, c'est que, bon, là par contre, au niveau de l'amour, disons qu'il y a une disparité par rapport à l'abstulance qui vous est due. Je crois savoir que vous avez eu plusieurs amis avant. Je ne sais pas si c'est votre premier ami. C'est la troisième, ouais. C'est la troisième. Donc, en fin de compte, le 6, c'est normalement le chiffre de la femme qui fera la fin de votre vie. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, si c'est votre troisième femme avec qui vous êtes aujourd'hui, il vous en faut encore trois. Donc ce n'est malheureusement pas, enfin ce sont que des chiffres. Hein. Mmh. Vous allez m'en donner trois autres, s'il vous plaît. Ben, le 4, le 2, oui. Et le 7. Et le 7. Ok. Le 4 veut dire que vous avez des problèmes sexuels. Vous savez. Hein. Ce qui veut dire que bon, le 4, c'est le chiffre de la sodomie. Ah. Donc, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre la sodomie. Je suis contre, tout à fait contre. D'accord, donc il va falloir vous y mettre que le 2, c'est le nombre de relations sexuelles que votre femme a besoin chaque soir, mais en se faisant enculer. Ah, ok. Et le 7 pour terminer, le 7, c'est le... Non, c'est toi là, s'il te plaît. Ah, pardon. Le 7, c'est tout simplement le degré de connerie. Alors, on sait que c'est sur une échelle de 1 à 8. Mmh. Donc, vous êtes très con. D'accord. Ok, je vous remercie. Ah, c'est pas mal, si c'est pour continuer le débat comme ça. Il est fort quand même, il est fort. Enfin, bref. Alors, donnez-moi trois autres chiffres. Non, c'est terminé, maintenant on passe au débat. Donc, on récupère Capucine. Alors, oui, Gérard. Capucine, c'est à vous, écoutez. Non. Pas, on est au débat. Allez-y. Bon, allez, tu me le vires. Non. Attends, mais c'est super important, tu as la chance d'avoir deux frères. Non. Je peux te donner trois chiffres, je peux te donner ton avenir. Le 08 36 47 22 22 22. Oui. C'est 25 francs la minute. Manu, il donne son numéro. Ça y est, c'est ok, putain. Attends, il a pas donné les 8 derniers chiffres, c'est bon, il a donné les 16 premiers. Non, il a tout donné. Mais non, parce qu'il a pas de Guadeloupe. Ah oui. Il y a 37 chiffres. Bon, alors, qui c'est qu'on a d'autres? Dans ton micro, Gérard, s'il te plaît, merci. Qui c'est qu'on a aussi? Alors, donc, on a Capucine. On a Cyril. Oh non, non, non, non, non. Non, pas Cyril, il a dit. On a Derschlich. Bonsoir, Derschlich. On a Odile, on a Susson et on a Thierry. Voilà. Okay. Bon, donc, qui c'est que tu m'as dit, là? Donc, je t'ai dit Capucine, Cyrine, Derschlich, Odile, Susson et Thierry. Et Franck est parti. Ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. Ouais, ben, c'est, ah ouais. C'est comme ça, c'est tout. Non, mais c'est Gérard. C'est la vie, hein. Gérard, je voulais simplement dire un truc. Qui c'est? C'est Cyril. Ouais. J'ai écouté, là, quand j'arrivais, t'as ton débat au standard, et j'ai bien observé mon poste, et je peux te dire que c'est pas Franck qui l'avait dit, le truc. C'était qui? C'était Lutèce. Ouais, ben, de toute manière, c'est pas grave, Lutèce aussi est parti. Ah ouais, donc... mais bon, Franck avait des réflexions assez intéressantes, c'était pour ça. Oui, tout à fait. Oh, y'a un bébé, là! Non, mais Gérard! Gérard, c'est Thierry, tu peux poser ta question suivante? Oui, c'est ce qu'on va faire. Merci. Croyez-vous à l'astrologie? Je reprends. Croyez-vous à l'astrologie? Si oui, pourquoi? Alors, Capucine. Oui, je crois à l'astrologie. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que, il suffit de savoir bien lire, dans lire l'astrologie. Mmh. Pas tomber sur les charlatans. Et moi, je sais que spécialement, je consulte assez souvent et j'en suis assez satisfaite. D'accord. Cyril? Oui, Attends, excuse-moi Cyril, avant que tu répondes, oui. On accueille Saint-Glinglin. Salut Saint-Glinglin. Salut Saint-Glinglin. Pourquoi? Salut Saint-Glinglin. Pourquoi? Le fantôme est de retour. Ah, arrêtez, j'ai peur. Bonsoir Gérard. Capucine, t'as peur? Oui, j'ai peur. Bon, je sens que tout à l'heure... Je vais applaudir sur mes fesses. Capucine, c'est la mienne. Qu'est-ce qui me fait rire? Bon Gérard, s'il te plaît. Gérard, tu peux gérer, s'il te plaît. Capucine, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Oh, allez. Vous êtes chiant. Bon, allez, ça commence à bien faire. Cyril Bernich et Saint-Glinglin, ça commence à bien faire. Berchlich. Écoutez, je viens juste d'arriver. Hein. Saint-Glinglin vient d'arriver. Hein. Ouais, bah alors oui. Ça commence à bien faire. Vous allez vous calmer. Ouais. Lève-le cuit. Non, mais attends, mais oh. Oui. Mais pour qui tu te prends, finalement? Je trouverais bien la chatte de samedi, moi. Croyez-vous à l'astrologie? Ah, si oui, non, c'était pourquoi? Ta première question, ça. Non. Non, c'est la deuxième, là. Eh ben, je te réponds la même chose. Je ne crois pas à l'astrologie du fait que, voilà, j'ai été voir un astrologue et il n'a pas pu me conseiller et mon marabout m'a très bien satisfait. Ah, ok, d'accord. Donc, tu reviens à peu près sur, tu reviens au même propos que la première question. Bah, ta première question était un peu la même. Je suis désolé, Gérard. Ma réponse, en tout cas, s'en rapproche obligatoirement vu que c'est le même exemple. Ok. Susan? Alors moi c'est pareil, c'est comme je te disais tout à l'heure, ta question ressemble un peu à la première. Donc moi j'ai été voir un astrologue. C'est Gérard. Attends 5 minutes ils ont. Pilar, ça te dérange pas que les gens répondent et puis que tu mettes la musique en même temps? Non mais pas trop. Ça te dérange pas. Les étés c'est seulement chez Bart. Oui donc je disais. Attends, je remets la cassette, là. Ouais. Donc, je disais... attends, un peu, là, je mets en avant, c'est bon. Non, mais c'est bon, tu réponds tout de suite, ou sinon tu vas faire comme les autres. Je disais que j'étais voir un astrologue qui s'appelait Gérard Couillot. Oui. Et donc, tout ce qu'il m'a dit, ben, c'était n'importe quoi, parce que finalement, ben, Gérard n'a pas voulu de moi, quoi. Ah là là. Et même si je suis plus belle que Sandy, t'as pas voulu de mes gros seins. Et il faut pas perdre espoir, ça peut changer, hein. Ça peut changer, tu sais. Ouais, mais de toute façon, je sais que quand il quittera Sandy, après il fera mes pieds, alors. Oui, bah, c'est bien, là, tu rêves, Susan. Attends le moment où ça se passera, quoi, c'est tout. Ouais, ouais. Bah, tu peux... Je suis patiente. Ouais, bah tu peux toujours attendre maintenant. Ah, tu verras, tu verras. Ouais, tu verras, tu verras. Tu verras, tu verras. Ouais, tu recommenceras, on mais... On te rencontrera. Thierry, ma... t'envoies là, un disque, là, parce que ça commence à bien faire. Oh non, on voit la musique. J'en vois quoi? Mais j'en vois quoi? Mais j'en sais rien, moi, tu mets un disque. Mais j'ai pas de titre, j'ai rien. Bah, moi non plus, j'ai pas de titre. Comment tu veux que je mette de la musique? Pose une question, pose une question, je vais réfléchir, je sais pas. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, bon. Ben, Thierry, excusez-moi, et Capucine, vous la fermez. Hein? Je vous taisez. Ok, Gérard, troisième question, s'il te plaît. Ben, vous allez y réfléchir. Okay. Peut-on dire que le signe astrologique donne d'une personne détermine son caractère, et on se retrouve juste après? Oula, j'ai rien compris. Ta gueule, toi. Voilà. Alors, peut-on dire que le signe astrologique d'une personne détermine son caractère? Donc, vous pouvez nous appeler au 0803 085000 et 0870 5000 et toujours le 3615 code Fun Radio, rubrique directe. Et on s'écoute la petite fleur avec des... Thierry Den. Oh, c'est bon, on est en antenne. Ouais. Ouais, elle est meuf. Ouais, super. Oui. Ah, non. Franchement, tous les jeudis sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Et voilà, donc c'est la suite. Ça. Non, mais ça peut aller là, ça. Fil d'art. Ça comme truc. Non, mais ça peut aller là. On voudrait que des nanas appellent pour participer au débat, donc 0803 08 5000 et 0870 5000 et toujours 3615 Copen Radio rubrique direct. Si vous voulez réagir avec un numéro de téléphone, vous pouvez y aller. Donc on récupère Capucine. Bonsoir Gérard. Guillaume. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Pierrot. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Cécile. Bonsoir. Susan. Bonsoir mon chat Malo. Et Thierry. Et re bonsoir à tous. Donc alors, peut-on dire que... Attends, excuse-moi, juste avant j'ai un message Minitel de Yaourt qui nous dit « J'ai fait signer une pétition pour que Gégé se lave, ou au moins que Sandy le lave, c'est du sérieux, Ayrton Senna, Lady Diana, Garcimore et Herbert Lenard ont déjà signé. » Non mais Fildar, ouais. Fildar, c'est Thierry, je voulais juste dire que de ma radio ça pue toujours autant. Gérard, attends, excuse-moi, parce que j'ai noté un truc au standard pendant la pause. On nous a dit que Elisabeth Fessier avait révélé que pour l'année 98, un fléau s'abattrait sur la France tous les jeudis. Ouais. On verra. Oh là là, Gérard, je peux te poser une question? Attends, salut. Thierry? Oui? Ce que t'as dit? Non, c'est pas Thierry qui te répond, là. C'est Thierry, là. Thierry? Oui, je t'écoute. C'est toi qui viens de dire que ça fait toujours, je te préviens, c'est gardé pour continuer le deuxième débat si ça va pas te dire. Tu es le premier à me dire qu'on pouvait rire quand même. Mais non, mais il y a des limites. Ah, pardon. Ça commence à bien faire. Mais c'est sucette. Oui. Est-ce que je peux répéter quand j'en aurai envie? Non. Bien sûr. Ouais, Guillaume, tu peux. Pardon? Grand plaisir. Ouais, s'il vous plaît, l'image des styles, hein. Oui, c'est des ordres. Est-ce qu'on peut poser des questions à Sandy? Non. Pourquoi? Mais attendez, pour l'instant, c'est le débat, c'est pas le... Ouais, vas-y, de manière, Sandia veut pas parler. Donc, vous la laissez. Okay. Ou quoi? Bah, vous la laissez tranquille, pour l'instant, c'est tout. Oh, gros bisous, Sandy. Ouais, bah, vous lui foutez la paix. Je te kiffe, Sandy. Alors, on accueille Capucine. Capucine. Bonjour. Franck. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Jean, bonsoir. Bonsoir. Odile. Bonsoir. Bonsoir. Susan. Bonsoir. Gérard, t'es dans les chiottes, là, ou quoi? Qui c'est qui parle? Bah, je sais pas, t'as une drôle de voix, Gérard. Ouais. Ça commence, dans une cage. Ça commence, là, filou. Cage à sec. Jamais avancé, sinon. Ouais. Non, mais attends, est-ce que c'est ce que je veux, d'accord? Bah, alors, première question, s'il te plaît. Je veux dire à Capucine qu'elle avait une belle voix. Non, ouais. Mais... Oh! Non, c'est sucette. Alors, avez-vous déjà consulté? Oh! Je suis là, s'il te plaît, quand je pose la question, j'aime pas avoir d'argent. Gérard, avant ta première question, on accueille Lutèce en plus. Ça vient d'une chose. Bonsoir Lutèce. Bonsoir Lutèce. Salut Lutèce. Bonsoir. Oh. Lutèce, bonsoir.

Qu'est-ce que t'en penses? Moi, personnellement, j'y crois pas trop. Mais Lutèce n'a pas répondu. Hein. Attends, Lutèce, tu permets que je réponde. Réponds, Gérard. Attends, laissez répondre Gérard. Qu'est-ce qu'on pense de ce sondage? Moi, personnellement, je suis dans les ceux qui croient pas du tout à... Donc, c'est dans les autres, dans les 98%. Jerry, s'il te plaît, tu te calmes. Est-ce merci. Est-ce qu'on répondre, c'est Susson? Susson, tu te calmes. Pour l'instant, s'il te plaît, merci. Enfin. Hein? Donc, moi, je suis dans les 40%. Non, il y a 39%. De croix, ouais. Et il y en a 98. Je suis dans les 98 parce que j'y crois pas du tout. Donc Thierry, si tu veux finir. Ah voilà, donc je voulais dire que moi j'ai une très bonne expérience avec un marabout. Est-ce que c'était un marabout de ficelle? Gérer celui qui a dit ça là. Ouais, non mais c'est plus tard, donc on peut. Non mais on peut quand même rigoler un peu quand même. Gérard, je te suis, tu as raison. Donc je voulais juste dire que j'ai une très bonne expérience avec un marabout dans la mesure où ma petite amie, si ce n'est ma femme, s'est en allée avec un autre homme et grâce à mon marabout, on a pu lui jeter une malédiction qui a fait qu'il ne pouvait plus bander. D'accord. Et c'est toi. Elle est revenue vers toi. Et du coup, elle est revenue vers moi. Ok, d'accord. Suis-moi parce que je ne peux plus bander maintenant. Lutèce. Oui. Alors. Moi j'aime bien, je préfère aller voir les non-voyants, hein. Moi je préfère voir les aveugles. Non mais attends, Ça n'a pas le rapport. Tu réponds correctement à la question, bah, sinon tu dégages. Il y a des non-voyants qui sont voyants. Hein. Bah, évidemment, c'est-à-dire que je préfère aller voir un voyant qui est non-voyant. Moi ça prouve bien qu'il voit ce qu'il voit par rapport à un voyant qui ne voit pas. C'est pas con hein, ce qu'il a dit. Hein, non mais attends, mais même, je vois pas le rapport avec la question. Et s'il est myope seulement? Ah non, pas de myope, moi je veux... Aveugle. Non-voyant seulement. Mais Lutèce, Oui, des myopes de quel âge? Bon, Susan. Mais Lutèce, alors moi, j'y crois. Il a un berger allemand de non-voyant. Oui, bon, là, Gérard, tu peux aller. Gérard, tu peux chercher, ça me dérange, hein. Gérard. 5 minutes, vous laissez parler Susan maintenant. Je vais poser une question à Lutèce avant. Ouais, bah attends, t'attends ton. Pilar, s'il te plaît, je suis en train de dire le message Minitel. Non, mais t'arrêtes avec ça. Un aveugle au lieu d'un non-voyant? Non plus, je préfère voir un non-voyant qu'un aveugle. D'accord. Alors Susan, moi j'y crois à Donf parce que j'ai connu un voyant qui s'appelait Gérard Couillos et donc il m'a dit des choses vraies quoi. Bon, je peux pas dire. Raconter, c'est intime, c'est sexuel. Comme quoi que tu... En plus, ouais, que, de moi, que j'allais, que j'allais tomber d'un homme qui s'appelait Gérard Couillos. Ouais. Eh oh! Manu, s'il te plaît, ne commence pas ton bordel, t'es un peu micro de... Non mais attends, t'as le micro, t'es au téléphone! Eh oh! Pourquoi, tu m'as entendu? Bah ouais, oh! Excuse-moi, Gérard. Et puis, s'il y en a qui font le bordel, là, faut peut-être t'occuper aussi du standard, hein. Bah, t'as qu'à me dire. Excuse-moi, Gérard, j'ai un message Minitel, pardon. Gérard a pas besoin, on n'a pas besoin de lui jeter un sort pour l'empêcher de bander, il suffit de regarder Sandy à poil. Non, bah, ça, je t'ai dit de pas. Il m'a dit, si tu le lis pas, je vais te choper à la sortie de phone. Gérard, oui. Et Gérard, si t'aimerais Sandy, Oui, bien sûr. Attends. Si t'aimerais Sandy ou si t'aimerais Incendie. Voilà. Ouais. C'est qui vient de dire ça? Un petit peu vieux bourg quand même, hein, Gérard. Qui vient de dire ça? C'est Tony. Non. Alors, Lutèce, tu dégages. Non, c'est pas moi. Tu viens, Lutèce. Bonne nuit. Salut, Lutèce. Bonne nuit, Tony. Au revoir, Lutèce. C'est Tony. Bonjour, Gérard, ta deuxième question, s'il te plaît. Ben, tout le monde n'a pas répondu. Si. Odile. Si, elle a répondu. Ça y est, j'ai répondu, j'ai dit que j'étais contre. Mais, Françoise, tu crois... Pourquoi t'es contre, Françoise? Ouais, ça vaudra peut-être mieux de passer sur ton vrai nom, maintenant. Mais c'est pas Françoise, hein, ça va pas. C'est pas Françoise. Si. Tout le monde l'a reconnu. Tout le monde l'a reconnu. C'est comme si je disais que Lutèce, c'était masque. Non, c'est pas ça. Oh, s'il te plaît, là. Pardon. Mais tu commences à chier, Pilar. J'aimerais bien être Françoise, moi. Ouais, ouais. Thierry, c'est Tony, quoi. Comme si je disais que Ultraman et François. Rien à voir. Bon, comme allez, si oh. Je disais que Gérard, c'était un con, quoi. Bon, bah alors, tu dégages. Allez, hop, tu me. Hey. Salut, Tony. Salut, Françoise. Voilà. Ça va aller vite ce soir, hein. Au tribunal. Gérard, excuse-moi, on accueille un astrologue réputé. Non, je veux pas des astrologues. C'est important pour le débat. Attends, dans un débat sur l'astrologie. C'est important. Merci pour l'Arsène. Il s'appelle Nostradamus. Nostradamus. On t'écoute. Hé, merde. Bonsoir, Nostradamus. Est-ce que tu peux prédire l'avenir pour Gérard? Oh, bah, il commence à me faire chier, là, hein.